Bonsoir, bonsoir, c'est Prog à part, l'émission du rock progressif. Sell your soul to move into the green. album, troisième en fait, le deuxième publié par Musea, la formation cubaine qui a fait sensation au Prog Sud. C'est tout du même tonneau, ces véritables membres superbes, ils ont tout compris et en plus ils sont adorables. Anima Mundi, The Way, interview dans le prochain Acid Dragon. Vous l'avez compris, c'est la dernière émission de la saison, émission de juin, et on se retrouvera ensuite en septembre après deux grands mois musicaux, je l'espère. Et donc, vous l'avez compris, première partie, comme d'habitude, comme chaque année, consacrée au Prog Sud, une petite sélection de ce festival sur quatre jours. Tout d'abord, donc, Anima Mundi. Ensuite, nous passons allègrement à Night Area. Night Area, on les connaît. Ils étaient venus déjà à Sarlat. C'est des Hollandais, non pas volants, mais néo-prog. Et ils ont la gentillesse de m'offrir, de nous offrir leur nouvel album live, un double. Tout de suite, je vous propose un large extrait, Night Area. Nigeria, les Hollandais, Rising Signs from the Shadows, un double album live avec des extraits de leurs trois premiers opus. Ils ont un drôle de nom, ces petits Marseillais, un nom qui rappelle plus Thomas Wack que véritablement leur nom, puisque leur nom c'est Tokawak. Tokawak. Et ils nous ont impressionnés avec un premier mini-album, maxi-single, on appelle ça comme on veut, avec un progressif typiquement français, et notamment par les paroles. Les paroles sont superbes. Vous savez, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans la chronique, c'est un peu le paradoxe du fan de prog en France, qui en général ne comprend pas les paroles des groupes étrangers, notamment anglais, et qui en même temps attache énormément d'importance aux paroles de ces groupes progressifs français. Il n'y a qu'à voir Ange par exemple. Et bien là c'est réussi, nos petits Marseillais ont pondu un petit CD 4 titres de toute beauté, je n'ai pas peur de le dire, et je vous propose juste un pion. Écoutez, vous allez voir, c'est superbe. Tout de suite, Tokawak. rythme. Pas de souci, on les entend, les attendait, je disais, avec un nouvel album, et les voilà qui arrivent avec une compilation, mais pas n'importe quelle compilation. Ces bougres-là, ils ont eu une super bonne idée. Ils ont eu l'idée de reprendre des standards, des grands morceaux du progressif italien des 70s et de les réorchestrer. Et ça nous donne quoi ? Ben, des pures merveilles. Quand je vais vous dire la liste des 13 morceaux qui figurent sur cet album, vous avez tombé par terre. Vous rassure, je ne donnerai pas les 13 morceaux, mais les principaux groupes, The Trip, Hosanna, Il Balletto di Bronzo, Delirium, ensuite Neutrals, Le Orme, avec le chanteur de Le Orme d'ailleurs qui intervient, plus également Museo Rosenbach, et oui, vous avez bien entendu Quella Vecchia Locanda, et pour terminer bien sûr PFM, et c'est ce que je vous propose, enchaîner la Carrozza di Hans, I Impressioni di Settembre. Tout de suite donc Wicked Minds est le titre de l'album Visioni, Deliri e Illusioni. Des visions, des délires et des illusions. C'est peut-être un résumé du progressif italien des 70s qui a explosé, qui a créé l'école peut-être la plus riche après celle d'Angleterre, mais il y a eu pas mal de dégâts, puisqu'il y a eu beaucoup de groupes qui n'ont enregistré qu'un seul album. D'où ce côté un petit peu triste, pessimiste du titre. Mais je vous laisse tout de suite avec cette reprise de PFM, Wicked Minds. e Illusioni. Black Widow nous propose encore un groupe tiré des fagots et on ne sait pas où c'est qu'ils sont allés les chercher. En plus, ils ne sont même pas italiens, ces gars-là, ils sont norvégiens. Arabs in Aspic. Arabs in Aspic. Des Arabes dans l'Aspic. Je le traduis. L'Aspic, je pense que c'est plutôt le serpent. Et un titre d'album, Strange Frame of Mind. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette affaire? Eh ben, c'est la grande lignée des progressifs scandinaves, c'est avec Mellotron, influence King Crimson. Donc, c'est de pure beauté. On pense à Anglagard, on pense à tous ces gens-là. Vous allez voir, c'est aussi de très haut niveau. Arabs et Naspic tout de suite sur Prog à part, l'émission du rock progressif. pur bonheur, ce mélotron Arabs in Aspic chez Black Widow, titre de l'album Strange Frame of Mind. Ils sont de retour, les ancêtres, et je dis ça avec beaucoup d'affection, le grand groupe séminal suédois Tretjuariga Kriget. Ils sont de retour avec un nouvel album qui est, ma foi, de fort bonne facture, After. Et la guerre de 30 ans, eh bien, continue à nous enchanter, et voici un titre qui s'intitule Glorious War, la guerre glorieuse. Tout de suite, allez, je m'y risque, Tretjuariga Kriget. Aulan om hösten, repa och repa, känslan i bröstet som att leta guld. Rostret i träden, fotografier av sex man på vägen, då var tiden vår. Kicken på tippen, applåder från vänner, mörkret i sikte när vi brände på. Vinter och jul och jag tänder ett ljus, skuggan på väggen rörde sig nu, blev till en tanke som blev till en dikt, som lades i en låda, en framtid på sikt. Inget av vikt. pendant la première moitié, j'avoue que je me suis un petit peu ennuyé. Il y a des longueurs, c'est trop chanté, et j'avoue que, bon, même si c'est l'ancien chanteur de Museo Rosenbach, j'avoue que le deuxième partie, qui est plus instrumentale, m'a beaucoup plus fait planer. Et je vous propose donc cette deuxième partie, un large morceau de la plage 6 à 9. Voici un extrait encore d'un fleuron de l'équipe Black Widow, Il Tempio delle Clessidre. You're listening to Progapa, the progressive program in Lyon.

Thank you. Tempio delle Clessidre. C'est bien, hein, vous avez vu. La deuxième partie est superbe. Dommage que la première soit pas à ce niveau-là, mais enfin, ça vaut le coup quand même de se procurer cet album. Il y a quand même un très très long morceau qui est superbe avec des claviers dignes du meilleur Genesis. Aqua Fragile, ça vous dit quelque chose, ce groupe italien des 70s. Pourquoi j'en parle? Parce que ces deux albums viennent d'être réédités par Esoteric. Je vous ai apporté Mass Media Stars, qui est à mon avis le plus abouti. Il date de 74. Souvenez-vous, c'est le groupe où a chanté pour la première fois un certain Bernardo Lanzetti, oui, la voix de PFM et plus tard de Mangala Vallis. Tout de suite, donc, Mass Media Stars et le morceau qui s'intitule Mass Media Stars, si la technique veut bien. Merci. commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Sol 100.7. Mars Hollow. Thank you. Mars Hollow. Deuxième album, ils nous avaient fort impressionné, ces Américains, avec leur premier opus. Les voilà de retour déjà, dit-il. Mars Hollow, World in Front of Me. World in Front of Me, le monde devant moi. Voilà cet Américain, peut-être un petit poil moins bien que le premier qui nous avait fort impressionné, mais ça reste quand même du label ouvrage. Il est bientôt l'heure de se séparer, sortez les mouchoirs, on va se quitter pour 2 mois puisque c'est les vacances et pendant juillet et août, pas de prog à part. Néanmoins, vous retrouverez très bientôt cette émission en ligne, comme d'habitude, grâce à Jean-Louis, grâce à Olivier, merci à eux. Au passage, donc pour la télécharger et l'écouter en MP3 sur votre lecteur préféré, vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez prog à part en un seul mot et au miracle, vous trouverez cette émission avec le nom des groupes et le titre des albums. On ne se quitte pas avec après avoir rappelé qu'il y a un superbe festival cet été, crescendo sur aux alentours du week-end du 20 août, à ne pas rater. C'est à Saint-Palais-sur-Mer du côté de Royan. J'ai noté quelques groupes, mais il y en a une foultitude, c'est un véritable délire et en plus c'est gratuit. Foncez donc ce week-end du 20 août. Allez applaudir entre autres The Enid, Finestere et Éclat, entre autres. Hein, il y en a encore beaucoup plus. Allez sur le site d'Acid Dragon et vous trouverez tous les détails de cette manifestation à ne pas rater. Voilà, tout de suite, donc, pour terminer en beauté, Gambit. Gambit, c'est un groupe français. Ils sont de Nice, ils ont sorti un album un petit peu discrètement en 2009 et donc on les a découverts par leur attaché de presse, on peut dire ça comme ça, coucou Renaud, grâce donc à Renaud lors du Proxud qui a bien voulu nous apporter quelques exemplaires de cette première création. Vous allez voir, ça rappelle fortement Ange avec des paroles vraiment incisives. J'ai beaucoup aimé Génération Égoïste. Tout de suite, Gambit, et le titre de l'album, je l'avais oublié, Machiavélique. En caleçon, la bière à la main, affalé dans son canapé, debout de This is the end, my friend. See you on September and have a great summer. Voilà, c'est fini. On se donne rendez-vous le 26 septembre. Ce sera un lundi. Ce sera de 20h30 à 22h30, comme d'hab. Et d'ici là, tenez tati et surtout ne bronzez pas, idiot. Prenez avec vous quelques livres et quelques disques de progressif. Ciao, ciao. Et je vous pète la miaille. C'était Prog à part, une émission présentée, proposée, réalisée par Thierry Sportouche avec le soutien technique de Jean-Louis Delacruz. On le remercie au passage.